Chapitre 10. Triste réveil. La nuit était profonde dans le somptueux salon, véritable musée où s'entassaient les œuvres d'art et que Jeanne appelait son atelier. Enfoui au fond du divan soyeux, c'est ce rêve prestigieux qu'évoquait la jeune fille. « Oh » murmura-t-elle, « avoir conçu de telles magnificences pour mon cœur et tomber aux bras d'un Lenormand d'Étiole, appartenir à ce gnome malfaisant, lier ma vie à celle de cette hideur morale et physique. Je suis perdue. Nul ne viendra à mon secours. Ce chevalier d'Assas, il a dû recevoir ma lettre. Il ne vient pas. Il ne viendra pas. Je suis perdue. » Quelque chose comme un sanglot souleva son sein. Tout à coup, elle s'aperçut qu'elle était dans l'obscurité noire et, frissonnante, elle alluma des flambeaux, comme si elle eût espéré, du même coup, chasser les ténèbres appesanties sur son âme. Elle était triste à la mort. Machinalement, elle se mit à son clavecin. Ses doigts, fins comme ceux d'une statue d'albâtre, coururent légèrement sur les touches d'ivoire. Et, comme elle cherchait un air à chanter, dans le suprême désarroi de son esprit, ce fut la ronde qui se présenta d'elle-même, la ronde qu'elle avait composée pour ses petites amies de l'ermitage, la ronde que, si follement, si éperdument, elle avait chantée lorsque le roi lui était apparu. Mais combien triste, combien navrée fusa de ses lèvres la jolie mélodie si gaie. Les paroles, elle les dénatura. La musique sautillante devint une plainte d'une infinie tristesse. « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont flétris. » La dernière note tomba dans le silence, pareil à un soupir, à une larme de musique. Le dernier mot se perdit dans un râle étouffé. Elle mit ses deux mains sur ses yeux et, les coudes sur les touches du clavecin, répéta « Flétris à jamais !» Comme est flétri mon cœur. Oh, perdu, perdu !» À ce moment précis, Jeanne tressaillit violemment. Elle laissa tomber ses mains de ses yeux et, le cœur bondissant, écouta. On venait d'ouvrir la grande porte de l'hôtel. En bas, il y avait des allées et venues. « Oh, si c'était lui, lui que j'ai appelé à mon secours, le chevalier d'Assas !» Et son angoisse était telle qu'elle demeurait clouée à sa place. Un murmure indistinct lui parvint. Elle reconnaissait la voix de Noé, puis celle de Madame Poisson, puis la porte à nouveau s'ouvrait et se refermait. Alors, prise d'un espoir insensé, elle courut à la porte de l'atelier, passa sur le palier, se pencha, et soudain elle vit Madame Poisson qui sortait du petit salon du rez-de-chaussée, un flambeau à la main, et qui montait l'escalier. Que se passait-il? Pourquoi Héloïse Poisson avait-elle jeté un si étrange regard dans le petit salon avant de se mettre à monter? Légère comme une sylphe, Jeanne bondit, rentra dans l'atelier, éteignit les flambeaux et se blottit derrière un paravent, précieux bibelot venu à grands frais du fond de la Chine. Héloïse ouvrit la porte et appela. « Jeanne, mon enfant, es-tu là ?» La matrone attendit un instant, puis se retira en grommelant. « Dans sa chambre, sans doute. Au fait, il vaut mieux la laisser dormir. Il est inutile qu'elle sache quel hôte nous abritons ce soir. Un hôte qu'on trouvera peut-être mort demain matin. » « Mais est-ce ma faute ?» Jeanne demeura immobile pendant quelques minutes. Puis, quand le silence fut redevenu profond dans l'hôtel, quand elle n'entendit plus aucun bruit, elle se glissa à travers les meubles de l'atelier, descendit et s'arrêta devant la porte du petit salon. Elle éprouvait une insurmontable angoisse. Pourquoi, elle n'eût su le dire. Il n'y a rien de mystérieux et de redoutable comme une porte fermée, derrière laquelle on suppose qu'il se passe, ou qu'il s'est passé, un événement considérable, peut-être terrible. Tout à coup, elle se décida et ouvrit. Elle vit un jeune homme couché sur le canapé et frissonna longuement. « Le chevalier d'Assas !» Son premier mouvement fut tout de joie instinctive. Il avait donc reçu la lettre. Il accourait donc à son secours. Mais quoi ? Immobile ? Comme mort ? Sans souffle ? La figure violacée ? Oh, mais il allait mourir ! Seigneur, mort peut-être ! Elle bondit vers lui. Non, il vivait. Un léger râle s'échappait de ses lèvres tuméfiées, les veines des tempes battaient et gonflaient. Les yeux étaient ouverts, et un rayon de ses yeux atones, vitreux, oui, un rayon d'amour monta vers elle et la fit palpiter. Elle comprit que ce beau chevalier se sentait mourir. Elle comprit que, sous ce front hardi, intelligent, harmonieux, à la minute tragique de la mort, il y avait pour elle une pensée d'amour pur et d'infini dévouement. Elle saisit sa main, se pencha. « Chevalier, m'entendez-vous ? Chevalier d'Assas ! Oh, il demeure inerte ! Il se meurt ! Pourquoi l'a-t-on laissé seul ici, sans secours ? Pourquoi la poisson s'est-elle éloignée ? Horreur ! Elle a donc voulu le laisser mourir ? » Toute droite, les yeux agrandis par l'épouvante de ce qu'elle croyait deviner, elle demeura un instant comme pétrifiée. Puis, elle eut ce mouvement de tête qui est un défi à la destinée, un appel de bataille. En quelques secondes, elle eut arraché le col qui enserrait le cou du chevalier, lacéré la dentelle de son jabot, ouvert l'habit, mis à nu la gorge et la poitrine. Un profond soupir gonfla cette poitrine et une larme perla aux paupières de ses yeux étrangement fixes, d'où montait, comme du fond d'une tombe, un rayon d'amour. Jeanne portait toujours sur elle un flacon de sel, puissant révulsif, qu'elle fit respirer au jeune homme. Puis, plaçant le flacon de manière qu'il continuât à en ressentir les effluves, elle courut chercher de l'eau, rafraîchit le front et les tempes du chevalier. Pendant une demi-heure, penchée sur cet agonisant, elle lutta contre la mort. Vaillante, obstinée, silencieuse, variant de minute en minute les soins tout instinctifs qu'elle imaginait, elle procéda d'intuition avec toute la souple habileté qu'eût déployée un grand médecin. Cette vierge ne songea pas un instant à s'offenser de cette poitrine d'homme qu'elle avait mise à nu. Elle n'était plus une femme, une jeune fille, elle était l'ange sauveur qui arrache un être à la mort. Pendant ces terribles minutes, elle oublia son propre malheur. Bientôt, cependant, la respiration du chevalier d'Assas devint moins haletante. Sa figure prit une teinte plus pâle. La redoutable couleur violacée disparut, et il parut évident que tout danger de suffocation était écarté. Une heure se passa encore, pendant laquelle les yeux gardèrent cette effrayante immobilité, cet aspect vitreux qui est le signe de l'anéantissement de l'intelligence. Puis, peu à peu, la pensée rayonna dans ce regard, une pensée de reconnaissance et d'amour. Jeanne sourit. « Vous voilà sauvée, » dit-elle. « Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Vous me comprenez ?» Les yeux du chevalier, lentement, doucement, se tournèrent vers la main de la jeune fille. Elle comprit. Elle posa ses doigts fins sur les lèvres brûlantes et, dans un effort de l'amour, ses lèvres parvinrent à déposer un baiser sur la main qu'on leur offrait. Alors l'âme du chevalier se noya dans une sorte d'extase. Sa pensée put mesurer l'énorme fatigue qui enlisait son cerveau. Il comprit qu'il allait s'endormir, sans pouvoir prononcer un mot de remerciement, sans pouvoir exprimer, fût-ce par un souffle, les sentiments qui débordaient de son cœur. Alors, aussi, par un rapide et violent retour sur elle-même, Jeanne songea que le lendemain, dans quelques heures, elle serait entraînée à l'église et qu'elle appartiendrait à jamais au malfaisant gnome qu'elle haïssait, dont le seul aspect lui causait une insurmontable horreur. Et celui qui pouvait la sauver était là, sous ses yeux, impuissant. Oh, il fallait à tout prix réveiller cette torpeur. Dassas fermait les yeux. La réaction naturelle se produisait. Le sommeil s'emparait de lui, invincible, inévitable. Non pas ce sommeil qui suit l'éveil prolongé et contre lequel on peut encore lutter, mais une sorte d'écrasement de la pensée meurtrie. « Chevalier !» murmura Jeanne, « écoutez-moi, par pitié !» Dassas l'avait vaguement entendu sans doute. Cet appel à sa pitié galvanisa une seconde son esprit, il entr'ouvrit les yeux. Tragique seconde où se décida la destinée de celle qui devait s'appeler la marquise de Pompadour. Si le chevalier Dassas avait pu écouter, s'il avait pu se lever, nul doute qu'il n'eût dans la nuit même provoqué le Normand d'Étiole. Nul doute qu'il ne l'eût tué ou obligé à renoncer au mariage. Et alors, qui sait ce qui fût arrivé? Qui sait si Jeanne, touchée par cet amour si jeune, si pur, si fougueux, n'eût pas uni sa vie à celle du chevalier Dassas? Alors, il n'y eut pas eu de marquise de Pompadour. Alors, bien des choses eussent été changées dans le règne de Louis XV. Ce n'était donc pas seulement le drame de deux cœurs qui se jouait là, dans ce petit salon trop pimpant, aménagé par le faux goût d'Héloïse Poisson. C'était une page de l'histoire de la France et de l'humanité que le destin tournait là. Haletante, la gorge serrée par l'angoisse, Jeanne se pencha, saisit les deux mains du chevalier Dassas. « Vous avez reçu ma lettre, n'est-ce pas ? Et vous êtes accouru ? Oh, merci ! Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Par grâce, par pitié, faites-moi un signe qui me dise que vous me comprenez !» Un violent effort crispa le charmant visage du chevalier. Ses paupières se soulevèrent lourdement. Puis tout, en lui, s'affaissa de nouveau. « Oh ! Râla Jeanne, vous ne m'entendez donc pas ? Chevalier, ma lettre, rappelez-vous ce que vous dit ma lettre. Je suis perdue si vous ne me secourez. Je vais vous dire, on veut me marier. Je hais cet homme. Ce mariage me tue. Oh ! Il ne m'entend pas. Chevalier, si je n'épouse pas cet homme, mon père va à la Bastille. » « À l'échafaud, peut-être. Entendez-vous, mon père ? Et je ne veux pas l'épouser, moi. Il me fait horreur. Si je l'épouse, je meurs. Et il faut que je l'épouse, ma mort ou celle de mon père. Il faut que je choisisse. Oh, vous me laisserez donc mourir. Dire que j'ai placé en vous toute ma confiance. Je vous attendais comme un dieu. » « Chevalier ! Chevalier !» Maintenant, elle était tombée à genoux. Elle priait, suppliait, sanglotait devant ce canapé où gisait le jeune homme insensible, le pauvre chevalier qui eût donné sa vie pour une de ses larmes et qu'un phénomène de réaction physique condamnait à la terrible immobilité, la vie suspendue, la pensée arrêtée, tous les sens enlisés dans un invincible sommeil qui le sauvait et perdait Jeanne. Le drame était poignant. Ce fut l'horrible lutte d'un esprit excessif en toutes ses expansions contre une fatale et implacable rigueur de la nature. Et ce fut la nature, indifférente, hélas, aux peines de nos cœurs, qui l'emporta. La victoire fut au sommeil. Le chevalier ne s'éveilla point. À bout de force, Jeanne s'évanouit, la tête presque sur la poitrine du chevalier. et pour qui n'eût pas connu l'affreuse tragédie qui se déroula en cette nuit, pour un peintre de grâces et de gentillesse, pour un boucher, pour un greuze, pour un watteau, c'eût été un adorable spectacle que celui de ce jeune homme si beau, au front si pur et si noble, qui dormait paisiblement, avec, sur son sein, la tête exquise de cette jeune fille. Deux amoureux, sans doute, ou plutôt deux époux réfugiés dans le coquet salon tout plein de mignardises, semblables eux-mêmes à deux fragiles et gracieuses conceptions de porcelainiers de l'époque, et qui s'étaient endormis là, dans un baiser, n'ayant plus la force de regagner la chambre nuptiale. Pauvre petit, l'histoire s'est montrée cruelle pour l'une. Il est vrai que le dévouement héroïque du chevalier d'Assas, par contre, s'est imposé à son admiration. Nous qui ne voulons pas prendre parti, nous que les fêtes de guerre n'émeuvent pas, mais qui ne voulons pas entrer dans la querelle historique au sujet de celle qu'on a appelée la Pompadour, nous nous contentons de les montrer tous deux, de mettre à nu leur cœur et de dire à ceux qui veulent bien nous suivre dans ce récit, « Voyez et ayez pitié !» Lorsque Jeanne revint de son évanouissement, elle jeta un regard sur la pendule de Saxe qui se dressait au-dessus des rosaces et des festons du marbre de la cheminée. Il était plus de 4 heures du matin. Jeanne, d'abord étonnée de se retrouver là sur ce tapis, près de ce canapé, passa ses mains sur son front. Mais son esprit subtil et combatif, promptement, chassa les dernières nuées qui l'obscurcissaient. Jeanne se souvint. Hélas ! 4 heures ! Murmura-t-elle. Voici venu le jour de douleur et d'horreur. Oh, mon beau rêve, adieu ! Adieu, chère pensée de prestige et de gloire ! Adieu, amour surhumain que j'avais caressé ! Je ne serai que Madame d'Étiole. Oh, infamie ! Elle se releva, laissa tomber ses yeux d'angoisse et d'épouvante sur le chevalier d'Assas, immobile statue pétrifiée. Ah, le policier avait raison de s'en vanter. On ne revenait de ses coups de massue qu'au bout de bien longtemps, quand on en revenait. Un instant, elle eut la pensée d'essayer encore de galvaniser la statue. Puis, de nouveau, son regard s'étant reporté sur la pendule, elle balbutia éperdue. « Trop tard ! Trop tard ! L'heure implacable approche ! Pauvre chevalier d'Assas ! Il était pourtant accouru à mon appel ! Quelle inexorable fatalité s'est mise entre lui et mon bonheur ! Qui sait ? Maintenant, il est trop tard. Je suis condamné. Adieu, chevalier d'Assas !» Elle se pencha et, du bout des lèvres, dans un souffle, déposa un baiser léger sur le front de marbre du jeune homme. Dans son sommeil, le chevalier eut un violent tressaillement. Les lèvres s'agitèrent comme pour formuler de confuses pensées nées dans son rêve. Son front se contracta, et deux larmes brillantes perlant à ses paupières glissèrent sur ses joues. « Trop tard ! Trop tard !» répéta Jeanne. Doucement, le regard attaché sur le chevalier, elle se recula, gracieuse et légère apparition, atteignit la porte, s'effaça, disparut, s'évanouit, comme l'ombre d'un joli songe d'amour.